Il est tard. Je cherche à rentrer chez moi. Et je prends un chemin que je ne connais pas. Un petit sentier qui longe les usines et la ville en coupant par la forêt. Je commence à peine à entrevoir la nature lorsque tout d'un coup, la nuit tombe. Je suis plongée dans le noir et le silence. Pourtant, je n'ai pas peur. Je m'endors quelques minutes ou de plus et quand je me réveille, le soleil est là. Et la forêt brille d'une lumière éclatante. J'ai 20 ans et j'aime comme je n'ai jamais aimé.